les frères, tous des Caraïbes. Donc pratique l'illicite pour manger du liquide. Vagabond comme David, caratine. Passe la tétine à la carabine. La cochine à cochiner. En bref, du fibro à la bibine. 2007, c'est bordel. Le monde ton sexe, l'oseille. L'excès, c'est mortel. Moi, j'ai une tasse dans une chambre d'hôtel. Pendant que des hommes veulent se marier comme Jack et Daniel. J'fais ma route dans les ruelles. Ici, les enfants sont cruels. Avant, dans les caves, y'avait des combats de pit. Maintenant, les chiennes ont pris le relais avec des grosses bites. Tu connais le rythme, tu balances une fabrique des riches. Ici, c'est le monde où les mères voient leur fils partir à la dérive. Les frères sont déchus, les tas sont dessus. Ici, c'est pas un film, c'est une cavale sans issue. Où sans cesse tu sues, faut des sous. J'ai vu des jeunes dessous, les se dissoutent. Les salopes ont des coudes, puis que les noix ont inventé la poudre. Moi, je fais partie de ces jeunes, les dents jaunies. Par le café club, petit déjeuner. La galère dans les gènes, allongé dans la zone. Je pense à ceux que j'aime, j'observe le monde, frère. Je suis stone, je sais. J'ai le cœur qui saigne comme ce sang. Saoulé, parce que les frères se dessoutent pour des sous et souhaitent le succès. Respect sans sucer, certains ont trouvé le suicide comme réponse. À leur sous, si j'ai le cœur qui saigne comme ce sang saoulé, parce que les frères se dessoutent pour des sous et souhaitent le succès. Respect sans sucer, certains ont trouvé le suicide comme réponse à leurs soucis. Comme beaucoup, je voulais foutre le feu. Nerveux, j'ai vu des frères prendre des coups de feu à cause d'une fille dégradée comme nos coupes de cheveux. C'est pour les grands et les petits frères qui se lalent en mode le cimetière. Les civières qui niquent le maire et la mère en commissaire. Pour ceux aussi qui ont jamais lâché les études, pas pour les petites gars, se font lâcher parce qu'il faut payer son cube. Je veux pas dire que c'est la merde, ça on le sait déjà. Ici, l'avenir, il est dans le mur avec du shit en guise de petit déjeu. Envoie les massages si c'est la honte d'avoir un cœur vénère. Mec, même au foot, ça joue au petit pont massacreur. Les meufs des grosses gars cassent les couilles, mais faut pas le dire. Donc je me venge quand t'as mis tout dans sa bouche jusqu'à l'envie de vomir. Donc au ballon, les frères insultent la nation. Moi je vis l'inspiration à chacune mes respirations. J'ai vu le désespoir et beaucoup d'MC en deuil. Après avoir constaté que j'ai fait la misère à ma fille, mais vas-y, jette-moi l'œil que je te le crève. T'es fou quoi? Demande à la mèche, nous on cheat même dans tes rêves. On a la dalle, je squatte les dalles. Certains esquivent les balles, mais tout ça c'est inutile. Comme une pédale sans trou de balle. Cœur qui saigne comme ce sang saoulé. Parce que les frères se dessoutent pour des souhaite le succès, respect sans sucer. Certains ont trouvé le suicide comme réponse à leurs soucis. J'ai le cœur qui saigne comme ce sang saoulé. Parce que les frères se dessoutent pour des souhaits. Souhaite le succès, respect sans sucer. Certains ont trouvé le suicide comme réponse à leurs soucis. Dehors c'est guette. D'une des films de Scorsese, pendant que certains oublient les risques avec du pilon et de la 16. Alors qu'à 16 piges, tu te mets à tenir les murs. Mais un beau jour, t'en as faim et tu t'y retrouves enfermé. Donc ferme ta bouche, marmot. J'ai pas ton âge, moi. J'ai déjà dit pour un cas, on te fabrique des nageoires. La vie c'est pieds, poings liés, sauter du plongeoir. Sauf que la chute sur des piges et les mecs sont des parloirs.